Les jours qui suivent. Écrit par Dienaël et lu par Anna Pods. Ceci est une fanfiction de All for the Game, avec la relation Jeremy Knox / Jean Moreau, le rating T, et les tags à la base de It's basically a slice of life fic with fluff and angst, hurt comfort. Il y a quelque chose d'étrange dans la solitude. Pas forcément quelque chose de mauvais, mais quelque chose d'infiniment perturbant. Quand il n'y prête pas attention, son regard cherche Rico, un uniforme noir, un symbole de corbeau. Quand il ne fait pas attention, il pense au nid, au sac qui pend à son épaule, aux cendres versées dans l'air. Il ne pense surtout pas à René, aux Trojans, à la liberté. Et peut-être est-ce son tort, ou peut-être est-ce trop compliqué d'y penser pour le moment, d'admettre qu'il a le droit de songer, tout simplement, d'envisager un monde où la solitude est une indépendance plutôt qu'un fardeau, qu'une punition. Il ne sait pas. Ce qu'il sait, en revanche, c'est que tous les aéroports se ressemblent. Ce qu'il sait, c'est que la Californie du Sud lui tord l'estomac. Ce qu'il sait, c'est que quelqu'un a inscrit « Moreau » en grandes lettres dorées sur un panneau qui s'agite au fond du terminal où il arrive et que l'anxiété lui fait serrer les dents. Planté au milieu de la foule, il se sent tétanisé. Pire que cela, il attend. « Jean » finit-il par entendre. Il y a un visage sous la pancarte. « Par ici !» lance la voix, comme s'il avait pu manquer son nom écrit en si gros. Lorsqu'il fait un pas vers lui, l'homme sourit. Jeremy Knox est un problème. Il aurait dû le prévoir bien plus tôt. C'est Alvarez qui crache le morceau, quelques jours après son arrivée. Cela semblait pendre à toutes les lèvres depuis le début, et j'en sais qu'il ne peut pas y échapper. Les Trojans sont bruyants, étrangers, une famille. Les Ravens étaient silencieux, prévisibles, une prison. Jean ne sait pas comment se comporter. Il est soulagé que ce soit Alvarez qui lui tombe dessus en réalité, plutôt que Jeremy. Jeremy est trop épuisant, heureux. Solaire, plus qu'il ne peut supporter, et chaque conversation qu'ils entretiennent le draine d'une façon qu'il n'a jamais expérimentée. Il se sent maladroit, comme un poisson à qui on demanderait de danser la polka, et c'est une sensation qu'il ne sait pas comment appréhender. Alvarez est différente. Ce n'est pas qu'elle est moins épuisante, c'est simplement qu'elle est plus directe, et que les conversations qu'ils ont sont économes en mots. Quelque part, ça le soulage. Le capitaine ne te revient pas. C'est une affirmation, comme à chaque fois qu'elle entame une discussion. Alvarez ne pose pas de questions, elle expose. Et j'enfonce les sourcils. Pourquoi ? Tu l'évites. Ça serait ridicule de le nier. Et il hausse les épaules à la place, comme pour empêcher la conversation d'emprunter une pente trop glissante. Apparemment, cela n'y suffit pas. Il se soucie des gens, tu sais, reprend Alvarez, en rangeant son matériel dans son casier. Il n'a pas l'air comme ça, mais pose des limites et il ne les franchira pas. Il n'a pas l'air comme ça, mais pose des limites et il ne les franchira pas. Cela n'appelle pas de réponse. De toute façon, elle est déjà partie lorsque la voix lui revient. Laila a les doigts qui picotent lorsque Jean lui tend la main. Le regard droit et sérieux, le visage bien trop dur. Elle sait. Elle sait qu'elle ne doit pas trop pousser, qu'il est stupide d'attraper sa main pour embrasser sa joue, plutôt, de casser l'espèce de droiture froide dans laquelle se terre Jean, de l'extirper de sa gangue et de la tirer vers eux. Elle sait. Elle sait que ce n'est pas possible, qu'il va prendre peur, reculer, fourrer la main qu'il lui présente plus librement que jamais dans sa poche et ne plus jamais proposer. Elle sait. Elle sait que ce qui se passe actuellement est important, qu'il n'a jamais fait un mouvement pour toucher Alvarez, ou pire, pour toucher Jérémy, une fois la porte du terrain franchie. Elle sait. Elle sait, et plutôt que d'attraper sa main immédiatement, elle lui sourit, moins brillamment que Knox, moins affamé qu'Alvarez. Un sourire qui en a vu d'autres, mais qui en verra d'autres. Un sourire que j'en connais, apprends, respecte. Finalement, elle attrape sa main dans la sienne, le bout de ses doigts pressé contre sa paume. Ils sont égaux. Ils sont frères. Ils sont une équipe. Les épaules de Jean se détendent. Une bière ? Propose Alvarez du fond du vestiaire, une épaule appuyée contre le mur. Elle agite les sourcils en voyant le regard confus de Moreau et agite une main comme pour chasser ses hésitations. Pour fêter notre entrée, c'est bon d'être tous ensemble. Il y a la trace de quelque chose de douloureux dans les yeux de leur nouvelle recrue. Quelque chose qui leur dit qu'ensemble n'a jamais été un choix ou un réconfort, qu'ensemble était une obligation, qu'ensemble n'était pas une fête. Silencieusement, il remercie Laila de stopper son mouvement lorsqu'elle tend la main pour toucher son épaule. Au lieu de protester, finalement, il hoche de la tête. « D'accord, » souffle-t-il. Il est assez serein pour ne pas froncer les sourcils quand Alvarez fait mine de boxer l'air en signe de victoire. Tout ici le dépayse. Jean, murmure une voix quelque part au-dessus de lui, et sa respiration s'étrangle dans sa gorge lorsqu'il sent une main posée sur son front. C'est une réponse musculaire intense, la façon dont son corps se crispe, dont tout son être se secoue pour le sortir du sommeil, le faire trébucher hors de la torpeur dans laquelle il est plongé. Il sent la main s'échapper, beaucoup trop vite, et il traque des yeux la satisfaction sur le visage de Jérémy. Il ne la trouve pas, évidemment, parce que Jérémy est... Jérémy, fondamentalement et intrinsèquement, et que son visage, à ce moment-là, ne reflète... que la culpabilité et la confusion. L'infirmière nous a demandé de maintenir éveillé, tu te souviens ? Murmure l'autre, plutôt que de s'excuser. Et Jean lui en est reconnaissant. Il hoche de la tête, un mouvement sec de la tête, et observe une seconde les mains de Jérémy suspendues en l'air. Je peux... Ça ne ressemble pas à leur capitaine d'hésiter comme cela, en réalité. Jérémy est beaucoup de choses, mais il n'hésite pas, et c'est ce qui le rend aussi épuisant. Il incline la tête sur le côté, incapable de deviner la fin de la phrase, plisse les yeux. Jérémy semble se reprendre. Je voulais changer ton bandage. C'est stupide, mais ça le renvoie au nid une seconde, aux heures passées à recoller les miettes de Neil ou de ses autres binômes, une espèce de servitude forcée pour éviter encore pire, pour éviter de se retrouver entraîné par le fond. Jérémy, lui, n'est pas forcé. Laila, qui l'a réveillé plus tôt, ne l'est pas non plus. Pas plus qu'Alvarez, qui a laissé traîner ses cadavres de canettes de Coca-Cola dans la chambre pendant qu'elle le veillait. Les yeux pleins de méfiance, Jean attend qu'on lui arrache une contrepartie depuis qu'il est arrivé. Parce que les Trojans sont trop parfois. Moins que les Foxes, mais trop quand même. Trop indépendants et attentionnés en même temps. Trop libres, fondamentalement. Lorsque les mains de Jérémy ne se baissent toujours pas, il finit par hocher de la tête. « Merci », souffle ce dernier. Et ses gestes sont trop délicats lorsqu'il déroule lentement le bandage qui entoure sa tête pour inspecter la plaie. Jean ne sait pas quoi répondre, parce que la situation n'a aucun sens, parce que Jérémy le remercie alors que c'est lui qui fait un geste pour lui, parce que Jérémy n'a aucun sens non plus et que Jean se sent électrocuté lorsque ses doigts le touchent. Lorsqu'il a fini, Jérémy s'éclipse pour laisser sa place à quelqu'un d'autre. Jean ne sait plus où il en est. Kevin ? Il dresse la tête, où sont des pieds nus sur la moquette de leur chambre, tend la main pour saisir la... Kevin ? Il dresse la tête, au pas des pieds nus sur la moquette de leur chambre, tend la main pour saisir la chenille de Neil, les yeux lourds de sommeil, qui se laisse tomber sur le pouf lorsqu'il tire sans trop protester. Il ne demande pas à Neil ce qu'il fait là, lui demande pas pourquoi il ne dort pas, parce que la raison est évidente, parce qu'Andrew n'est pas là et que lui-même vient de se lever. « Pardon, Jérémy, » reprend-il, le téléphone coincé entre la joue et l'épaule et Neil levé de l'autre côté. Il s'est passé quelque chose avec Jean. C'est moi qui m'excuse, je dois être tard de votre côté des États-Unis. Il y a une vraie trace de regret dans la voix que Kevin balaye d'un haussement d'épaule qu'il esquisse à peine. J'ai décroché. Il reste de marbre au rire tendu de Jérémy à l'autre bout du fil, parce que ce n'était pas une blague, pas réellement, et qu'il sait que Knox le sait. Ce qu'il sait aussi, c'est que Knox n'aurait pas appelé pour rien. Ce qu'il sait surtout, c'est que Jérémy est un capitaine concerné par le bien-être de ses joueurs. « J'aimerais rendre les choses plus faciles pour lui, » souffle l'homme après une seconde silence. « Mais je sais pas comment m'y prendre. Je sais pas ce qu'il a vécu, Kevin, et je peux pas le forcer à en parler parce qu'il se renfermerait encore plus, » complète-t-il, avant d'embrasser la paume de Neil, qui a tendu la main pour effleurer le tatouage sur sa joue. « Oui. » « Oui. » Oui. Il y a un poids dans la voix de Jérémy qui lui rappelle la colère dans les yeux de Neil, quelque chose de ténu et de puissant qui lui évoque la détermination d'André. Il y a un poids dans la voix de Jérémy qui lui rappelle la colère dans les yeux de Neil, quelque chose de ténu et de puissant qui lui évoque la détermination d'André à protéger ce qui est sien. Ça ne s'exprime pas de la même façon. Jérémy Knox est d'une autre trempe, d'un autre type simplement. Beaucoup moins écorché, beaucoup moins éraflé. Laisse-lui le temps. Laisse-lui du temps, conseille-t-il finalement. De l'espace. Mais ne le ménage pas. Respecte ses limites, mais n'hésite pas à le secouer. Ne brusque pas les choses. Vague. Mais vrai. Il a passé toute sa vie à ne jamais être seul, à ne jamais avoir d'espace pour être lui. Rien pour extérioriser à part Lexi et Rico. Il soupire en sentant la main de Neil effleurer sa taille lorsqu'il articule le prénom. Maintenant, Rico est mort, il est libre et seul. Ne laisse pas retomber là-dedans, mais sois-en conscient. Il y a un silence au bout de la ligne et il entend clairement l'autre homme déglutir. Merci, fit-il finalement. Les choses vont s'arranger, répond-il simplement. Et, pour la première fois de sa vie, Kevin sait qu'il s'agit de la vérité. Les heures qu'il a de libre sont des sources d'angoisse qui ne cessent de le tirailler. Allongé sur son lit, les yeux rivés sur le plafond, Jean est incapable de décider. O'Neill n'aurait même pas eu à réfléchir. Tout était calculé, rythmé, à une cadence insoutenable mais rassurante, parce que l'esprit n'existait plus, parce qu'il ne restait plus que le corps et ses réflexes. Ce n'est pas le cas ici. Ce n'est pas le cas depuis la mort de Rico, en réalité, depuis qu'il a réalisé qu'il était libre, et aussi libre qu'il ait jamais pu l'espérer. Ou aussi libre qu'il ait jamais pu l'espérer, et que le temps libre était devenu une corvée, un espace pour ses pensées, une terre en friche pour ses désirs. La liberté le terrifie. Il en a les mains pleines et il ne sait pas comment l'utiliser. « Jean ?» lance une voix derrière la porte de sa chambre. « Je peux rentrer ?» Les trois gens sont étranges. C'est un exemple comme un autre dans le fond, cette habitude qu'ils ont pris de ne jamais frapper à la porte depuis que l'un des membres de l'équipe a réalisé qu'il ne supportait pas les bruits sourds qui le prennent par surprise. Cette habitude qu'ils avaient de s'annoncer, de demander d'attendre. De demander d'attendre. Les attentions, dans sa vie, ont toujours été une façon de chercher à lui prendre quelque chose, une façon de l'amadouer pour mieux le réduire à un être sans volonté, une coquille vide, tout ce qui reste de lui aujourd'hui. Les attentions sont inquiétantes, quand il ne sait pas quelles sont les règles appliquées, quel jeu est joué. Il exhale un soupir discret lorsqu'il se lève, raide et mécanique, pour entrouvrir la porte qu'il avait soigneusement fermée à clé. « Eh !» murmure Jérémy avec un sourire lorsque leurs yeux se rencontrent. Il y a quelque chose d'étrange chez lui, et ce n'est pas le sac balancé par-dessus son épaule ou la façon dont il a l'air presque timide. « Hé ?» répondit-il. « Hé ?» répondit-il, sans trop savoir s'il s'agit de la bonne chose à dire. « Il y a de la peine. »« Hé ?» répondit-il, sans trop savoir s'il s'agit de la bonne chose à dire. Il y a de la perplexité dans sa voix. Quelque chose de précautionneux et de méfiant. et Jérémy lui sourit plus largement, ouvre son sac, sort un paquet. « J'ai ramené des cookies. » Il y a une hésitation, et puis les yeux brillent à nouveau. « Tes préférés ?» Il y a quelque chose d'absurde dans la situation, parce que la boîte de cookies a des couleurs ridicules et que Jean n'est pas sûr d'avoir un parfum préféré. Il se souvient vaguement d'avoir dit à Alvarez qu'il ne détestait pas ceux au beurre de cacahuète. A le vague souvenir d'un regard échangé, d'un sourire qui s'élargit. C'est dément, complètement absurde, et son cœur fait un bond lorsqu'il repère au fond du sac de Jérémy l'intégrale de toutes les saisons de Buffy. Une autre conversation lui revient, une qu'ils ont eue un peu après son arrivée, une où Jérémy a plaqué dramatiquement ses mains contre son cœur lorsqu'il a appris que Jean ne connaît rien à la pop culture. Pour la première fois depuis qu'il est arrivé, Jean a envie de rire. Le sourire de Jérémy est aveuglant. Je ne tiens pas à l'alcool, prévient-il d'une petite voix, et Lila lui embrasse la joue doucement. Elle sourit lorsqu'il ne s'écarte pas, lorsqu'il ne lui lance pas un regard noir, et il sent son cœur se gonfler une seconde par l'affection qui danse dans ses yeux. Par moments, Lila lui rappelle René, comme si quelque chose d'impalpable les lie, quelque chose sur lequel il est incapable de mettre le doigt. « Tu peux boire autre chose, » lance Jérémy en levant son verre pour trinquer avec Lila. « Alvarez ne boit pas non plus. » Il ne demande pas pourquoi, parce que le visage d'Alvarez souffle qu'il y a quelque chose là-dessous, mais elle hausse les épaules lorsqu'elle sent son regard, et il hésite une seconde avant de lui adresser un sourire. Les sourires sont quelque chose de nouveau pour Jean, quelque chose qui prend tout le monde par surprise, même s'il tente de faire comme si de rien n'était. Ça a commencé comme un moyen de communication. Un sourire pour acquiescer, réplique des mimiques d'Alvarez, copie de celle de Lila. Ça a commencé comme ça, sans raison particulière, sans réelle signification. Ça a continué. Ça a dévoré lentement son visage. Ça s'est infiltré dans ses réflexes musculaires. Une réponse automatique. Une réponse de plus en plus facile, de plus en plus significative. Ils ébauchent d'entières conversations par sourire interposé. « Je vais bien, je m'inquiète, je sais, je suis d'accord. Tout va bien, je suis content, je suis à l'aise. Merci, pardon, s'il te plaît. » Comme un langage secret, un apprentissage qu'ils feraient tous ensemble, plutôt que simplement Jean, qui se sent tellement hors du temps parfois, tellement peu à sa place. Mais qui lutte et qui creuse et qui agrippe et qui fait ce qu'il peut. « Les règles !» annonce Jérémy, un peu théâtralement, en s'installant juste à côté de Jean, les jambes croisées et le regard pétillant. « Vous buvez ici !» Jean décroche à cet instant-là, parce qu'il a déjà retenu les règles, parce qu'il n'a pas besoin qu'on lui répète les choses plusieurs fois. À la place, il se concentre sur la façon dont Jérémy agite les mains, sur la façon dont il sourit, sur la façon dont ses yeux s'illuminent dès que Buffy apparaît sur l'écran, sur la façon dont il s'affale petit à petit contre lui, l'alcool aidant. Jean n'aime pas les contacts, c'est vrai. Il n'aime pas les mains qui se tendent vers lui, évite les corps qui se pressent contre le sien, fuit les foules. Ce soir-là, c'est différent. C'est différent parce que c'est Jérémy, agréable, troublant et, les paupières lourdes et le regard très vaguement posé sur l'écran, il appuie sa joue contre le crâne de l'autre. Jérémy, agréable, troublant, et, les paupières lourdes et le regard très vaguement posé sur l'écran, il appuie sa joue contre le crâne de l'autre, plus détendu à cet instant que depuis très longtemps. Il s'endort, éventuellement. De l'autre côté de Jérémy, Lila ronfle doucement. Il est embarrassé ce soir-là, lorsqu'il frappe à la porte de Jérémy. Embarrassé parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait là, d'une part, mais aussi parce qu'il n'a pas l'habitude de chercher activement le contact de quelqu'un. C'est quelque chose d'étrange, toutes ces choses qui ont changé doucement depuis que les trois gens l'ont accueilli. Des petites choses, des trois fois rien. La façon dont il sourit, la façon dont il joue, la façon dont tout ne ressemble plus tout à fait à une agression en devenir. la façon dont il se tient devant la porte de Jérémy ce soir-là, un livre à la main et l'air aussi impassible qu'il le peut pour dissimuler la gêne qui gronde à l'intérieur. Jérémy était d'humeur massacrante cet après-midi. C'est quelque chose que Jean n'a jamais expérimenté, cette tension dans les épaules du capitaine, cette ligne inquiète qui barrait son front. Il a regardé Laila et Alvarez déguerpir après l'entraînement, a observé l'équipe se disperser, comme balayée par une vague silencieuse, alors que Jérémy courait autour du terrain inlassablement pour se changer les idées. Jean ne sait pas ce qui s'est passé. À vrai dire, il est presque certain que personne ne le sait. Personne ne demande à Jérémy s'il va bien, ce qui se passe dans sa vie, parce que tout le monde part du principe que ce dernier va bien. La plupart du temps, c'est vrai. Le reste du temps, Jérémy cache, et Jean reconnaît les signes. Comme tous les autres, il a quitté le terrain. Comme aucun autre, il frappe à sa porte une fois le soleil couché. Perdu dans ses pensées, il sursaute lorsque la porte s'ouvre finalement. Le visage de Jérémy est sombre, et, l'espace d'une seconde, Jean caresse l'idée de glisser ses doigts dans la tignasse emmêlée et qui lui sert de chevelure. Il garde ses mains pour lui. À la place, il souffle. « J'ai cru comprendre que tu avais besoin d'aide pour tes cours de français. » Il est incapable de décrypter l'émotion qui traverse le visage de Jérémy, mais il sent ses doigts trembler lorsqu'il lui attrape le poignet pour l'attirer à l'intérieur de sa chambre. Alors, demande Jean tout bas, lorsque Jérémy vient s'asseoir en tailleur au pied de son lit, une étincelle au fond des yeux. C'est étrange cette façon dont Jérémy va et vient dans sa chambre sans qu'il se sente envahi. Étrange, comme il semble à sa place, assis au pied du lit de Jean. Quelque chose comme de l'amusement sur ce visage. Quelque chose d'indescriptible dans le sourire. La présence de Jérémy n'est plus une gêne, plus un danger. Plus un danger en devenir. Et le visage de Jean s'adoucit lorsque le jeune homme étend le bras pour lui appuyer sur le genou. Une malice profonde inscrite sur les traits. J'ai eu un 86. Jérémy éclate de rire lorsque Jean boxe l'air en une imitation incroyablement fidèle d'Alvarez. Rit de plus belle en voyant la joie, si intense et si réelle, qui dévore son visage, ses yeux qui brillent et la fierté qui le submerge. Jean change. C'est lent, c'est subtil. Mais il y a quelque chose de nouveau dans sa façon de se tenir, dans sa façon d'être, dans sa façon d'agir. Jean n'est pas guéri, parce que les plaies sont trop profondes, parce qu'il y a toujours le fantôme de Rico, plus souvent qu'il ne souhaite l'avouer, trop souvent la terreur dans ses veines. Jérémy ferme les yeux lorsque Jean tend la main pour lui ébouriffer, le cœur en vrac. Et les joues rougies. Il y a quelque chose d'émouvant dans la façon dont Jean cherche le contact. Quelque chose qui le remue et qui le fait s'appuyer contre les doigts, les yeux à demi clos et l'air bien trop fier de lui. « Merci, » dit-il, plutôt que de lâcher le torrent qui bouillonne dans son ventre. « C'est normal, » répond Jean. Il est surpris de constater que c'est le cas maintenant. Normal. Normal d'aider. Normal de se soucier. Normal d'offrir plutôt que de prendre, de recevoir plutôt que d'être volé. On ne peut pas perdre. On ne peut pas perdre Captain Sunshine. On ne peut pas perdre Captain Sunshine, hein? Le surnom, attribué par un journaliste et répandu comme une traînée de poudre sur Internet, lui fait rouler des yeux et il donne un petit coup de poing dans l'épaule de Jean, qui attrape sa main sans trop y réfléchir, les yeux rivés sur son visage. « Plus sérieusement, » reprend-il, et son ton est trop sérieux pour que Jérémy soit troublé par leurs mains qui se touchent et se cherchent. « Je te dois bien ça. »« Je te dois bien ça. »« Tu me dois rien, » répond Jérémy, et ses doigts pressent ceux de Jean, une certitude immense dans les yeux et dans la voix. « Tu fais partie de l'équipe. »« Tu fais partie de l'équipe. » Les joues rougies, Jean baisse les yeux. L'honnêteté de Jérémy est un brasier sur lequel il finit toujours par se brûler. T'es une putain de tête de nœud, Jean !» hurla Alvarez depuis l'autre bout de terrain. Il y a quelque chose comme de la frustration dans sa voix, et Jean carre les épaules, prêt à recevoir un coup lorsqu'un gant lui arrive dans la figure. Le geste n'est pas violent, et c'est une surprise. Le geste est frustré, agacé, furieux, mais pas violent, pas destiné à blesser. Et, l'air bête et le gant serré dans les mains, il cherche du regard Alvarez qui quitte le terrain. Les choses sont compliquées. Ce soir, ils ont perdu. C'est une sensation désagréable dans la bouche, et Alvarez a toutes les raisons du monde d'être en colère. Ce soir, ils ont perdu, parce qu'il a laissé passer un striker à la dernière seconde, distrait par une forme en noir qu'il est certain d'avoir vue dans les gradins. Il déglutit. Jean... Jean, souffle quelqu'un derrière lui. Il y a quelque chose d'étrange dans la façon dont la voix le fait sursauter. Quelque chose d'étrange dans la façon dont il étire un sourire maladroit sur son visage. « Je suis presque sûr que tu brises au moins 3 règles en te trouvant sur ce terrain », plaisante-t-il. Le son de sa voix lui semble étrange. Elle rit, cela dit, et c'est le plus important. « Tu sais comment nous sommes. » Il sait. Il sait comment est Renée, surtout. Fière et sans peur, des mois auparavant, lorsqu'elle arrive au nid pour l'en arracher. Il sait comment est Neil, aussi. La nuque courbée, mais pas brisée. Un incendie dans les yeux et la rage de vivre dans le ventre. Il connaît Kevin, par cœur. Le vieux Kevin, en tout cas. Ne sait pas trop quoi faire du nouveau. De celui qui sourit et qui plaisante et qui regarde les gens comme s'il avait encore de l'amour à donner. Les autres se fondent les uns aux autres et ne se ressemblent pas. Entités similaires et si différentes en même temps. Le sourire féroce de Dan et le dos droit d'Alison. La douceur de Matt, le silence des jumeaux. Les autres, il ne les connaît que de loin. Mais il sait qu'ils ont tous un problème avec les règles et les lois. Avec toutes ces choses qui leur interdisaient de se tenir où ils se trouvent aujourd'hui. Fiers, inébranlables, vivants et victorieux. Gentiment, René effleure son poignet. « Kevin est venu avec moi, » murmure-t-elle, comme inquiète de sa réaction. « T'es pas obligé de le voir, ni Léandre sont venus avec lui. » Soudainement, il comprend la silhouette tout en noir qu'il a vu bouger dans les gradins, et c'est un poids qui s'évapore de sa poitrine alors qu'il éclate de rire. Une trace de douleur quelque part dans la joie. Une trace qui murmure « Je suis pas fou » et « Je ne suis pas fou » et « Je ne suis pas guéri » et « Ce n'était rien » et « Il faut que je parle à Alvarez ». Une trace que René comprend derrière son sourire beaucoup trop doux, parce que René comprend toujours, un peu mystérieusement, un peu bizarrement. « Tout ira bien », lui promet-elle. Et, pour la première fois depuis des mois, Jean est prêt à y croire. Lila Dermot est un ange. C'est une pensée très bizarre lorsqu'on l'arrête là. La vérité, c'est que ce n'est pas si bizarre que cela. Lila Dermot est un ange. Et c'est Halloween. Jean boude, assis par terre, une bouteille de bière coincée entre les genoux. Il boude parce que son costume le gratte. Il déteste être là. Jérémy semble presque briller plus dans son costume de pute. Jérémy semble presque briller plus dans son costume de Superman que dans des vêtements normaux. Ce n'est pas juste, se répète-t-il, parce que personne ne devrait avoir l'air plus à l'aise dans un costume aussi moulant que dans des vêtements de tous les jours. Pas juste, parce qu'une des cheerleaders des USC Trojans, habillée en sorcière, se suspend à son bras depuis plusieurs minutes déjà et qu'il ne sait pas quoi faire. Il n'a rien le droit de faire, en vérité. Et qu'il ne sait pas quoi faire. Il n'a rien le droit de faire, en vérité. Ils sont amis, peut-être, mais les amis sont censés se soutenir dans ce genre de cas. La fille n'est pas horrible, en plus, mais son rire est aigu et Jean décide qu'il ne peut pas l'aimer pour cela. C'est plus simple que d'admettre la réelle raison du nœud qui lui tord le ventre. Plus simple que d'admettre que son rire n'a rien à voir avec le soulagement qui l'assaille lorsque Lila saute sur le dos de Jérémy avec un cri de guerrière viking. « Capitaine Sunshine !» tonne-t-elle. Et il entend Jérémy renifler son amusement alors que la cheerleader, perplexe, s'éloigne pour éviter de recevoir la bière qui s'échappe de la bouteille de bière de la gardienne de pute. « Récupérez votre équipage ! Le moussaillon Alvarez signifie... » Récupérez votre équipage. Le moussaillon Alvarez a signifié la claire envie d'aller chasser les bonbons. Moussaillon ? Note Jérémy avec un sourire bien trop large. Elle est au courant ? Layla appuie un doigt sur sa joue pour le taquiner et lui adresse un clin d'œil. Elle pense être le vice-capitaine. Elle marque un temps et, comme si elle pouvait sentir le regard de Jean sans même le regarder, ajoute « Tu viens avec nous, chef Coq Moreau ?»« Tu viens avec nous, chef Coq Moreau ?» Miracle d'Halloween ou presque pas, Jean est tout sourire quand il les rejoint. Faute de l'alcool ou pas, les doigts de Jérémy frôlent les siens lorsqu'il quitte la fête. Il se sent heureux. Jérémy. Il y a une note d'avertissement dans la voix de Jean, et Jérémy, par automatisme, passe devant lui pour s'interposer. C'est stupide. C'est stupide parce que Jean ne peut pas détacher les yeux de l'équipe Noir Corbeau qui se glisse sur le terrain. Stupide parce que les doigts de Jean agrippent le dos de l'uniforme de Jérémy comme on ne s'agrippe à une bouée. Il inspire, la gorge nouée, sursaute presque lorsqu'Alvarez presse une main assurée contre son épaule. Jean. Fait la voix de Jérémy, alors qu'il garde les yeux fixés droit devant lui, la mâchoire serrée en une expression qui ne lui ressemble pas. « Tu me fais confiance. » Plus encore que le reste de la situation, la question est stupide. Personne ne peut se méfier durablement de Jérémy, pas plus Jean qu'un autre, et sa voix est beaucoup plus assurée lorsqu'il répond, doucement. « Bien sûr. » Il est surpris. Bien sûr. Bien sûr. Il est surpris lorsqu'il sent le dos de Jérémy se détendre, comme brutalement débarrassé d'une tension que Jean n'avait pas perçue auparavant. Surpris que la réponse ne soit pas évidente, pas claire. Surpris que Jérémy ne sache pas toutes les certitudes qu'il plante chez lui, toutes les hésitations qu'il déracine. Bien, répond Jérémy. Et il est de retour dans la peau du capitaine. Concentré sur le match et prêt à bondir, de retour dans la peau du striker le plus en vue des équipes d'Exil universitaires. Il n'a pas besoin de longs discours pour motiver, pas besoin de terreur pour les garder soudés, pas besoin de soumission pour les faire avancer. En réalité, cela ne lui prend qu'un sourire en direction de l'équipe, lorsqu'il se retourne et que Jean a enfin détaché ses mains de lui. « Vous entendez ?» interroge-t-il les autres. Alors que les gradins au-dessus de leur tête résonnent de sifflements et d'applaudissements, de chants et d'encouragements. Le terrain est à nous. Lorsque le coup de sifflet final annonce leur victoire, Jean se dit que même le destin ne prendrait pas le risque de contrarier Jérémy Knox. Ils sont en sueur et épuisés lorsqu'ils se retrouvent au milieu du terrain, quelque chose dans les yeux, un aimant dans le corps. Le baiser que Jérémy presse sur sa joue est immortalisé par des dizaines de caméras. Je crois que j'ai le vertige, lâche Kevin, la voix blanche, et nie l'éclat de rire sur les tire-fesses juste derrière, le vent dans les cheveux et la montagne sous les pieds. Neil, j'ai entendu la première fois. À moins de sauter, je peux rien faire pour toi. Ferme les yeux. C'est une idée stupide, marmonne Kevin en s'exécutant, ses lunettes ramenées devant les yeux. Ton idée, lance une. Ton idée, lance une voix ennuyée, plus loin derrière. Et Jean n'a jamais pensé voir quelqu'un d'aussi peu enthousiaste à l'idée de faire. Quelque chose qu'il n'est pas forcé de faire. Le mot vacances, jusqu'à il y a peu, était un mot dont Jean ne comprenait pas l'utilité. Onis n'était pas même une éventualité, et lors de sa première année chez les Trojans, il n'avait nulle part où aller. René, évidemment, l'avait invité à Noël, mais il avait décliné l'invitation, trop mal à l'aise, trop peu à sa place. Cette année, c'est différent. C'est différent parce qu'Alvarez l'a entraîné chez elle à Thanksgiving. Différent parce qu'ils sont tous restés à Halloween. Parce qu'ils ont tous été conviés à fêter l'Aïd avec la famille de Layla et que les parents de Jérémy les ont invités pour Hanouka. C'est différent cette année parce qu'il a l'impression de venir de quelque part sans y être prisonnier. Parce que pour la première fois, les gens qui l'entourent ne sont pas des ennemis. Parce que les inconnus qu'ils croisent ne sont plus des menaces. C'est Neil, en réalité, qui avait appelé un soir après la reprise de la saison. Jean avait été étonné d'entendre sa voix, la détente et la vie qu'elle contenait, l'appétit d'exister qui couvait. C'est Neil qui avait appelé, c'était vrai, mais il avait été clair que c'était Kevin qui avait eu l'idée, et que cette idée avait été suggérée sans qu'il ne s'en aperçoive par une partie du reste de l'équipe. La vérité, c'est que Jean soupçonne Allison et Dan, qui ont eu l'air beaucoup trop heureuses de retrouver Layla et Alvarez. La vérité, c'est que Jean est persuadé qu'elles se sont alliées et que contrecarrer leur plan à l'avenir sera presque impossible. La vérité, au fond, c'est qu'il s'en moque, emmitouflé dans un manteau bien trop épais, un bonnet orange enfoncé sur le crâne et le nez rouge. La montagne lui rappelle la France, et la pensée lui noue une seconde l'estomac. Des souvenirs, il en a peu. Il se souvient du port de Marseille et de la maison de sa grand-mère à Nice. Il se souvient d'une petite fille avec qui il courait dans le parc de Mercantour et la découpe des Alpes qui se reflétait sur les eaux tranquilles d'un lac. Ses parents ne sont qu'une image vague et lointaine. Marseille elle-même est une ombre incertaine, mais les Alpes se découpent avec une précision étrange quelque part dans son cerveau, et il est silencieux, arrivé en haut, comme déconnecté du reste du groupe, malgré ses efforts pour se fondre dans la masse. « Si tu continues de geindre, je te pousse moi-même !» grogne Andrew en direction de Kevin, probablement. Et Jean ne peut pas s'empêcher de penser que la main qu'il garde posée sur le dos de ce dernier est plus réconfortante que menaçante. Il n'a pas le temps de s'interroger là-dessus, finalement, parce qu'une main appuie contre son épaule, gentiment, et que Jérémy demande, en français, « Tout va bien ?» Il a appris à ne plus prendre cette question comme une façon de le prendre en haut, et il hoche la tête, plus pour lui dire que ça passera que pour signifier que ça va. Il sait que Jérémy comprend. De toute façon, il change déjà de sujet, glissant sa main dans celle de Jean comme si de rien n'était. « Tu vas voir, » dit Jérémy. « Layla est épouvantable dès qu'il faut tenir sur autre chose que ses pieds. » La boule de neige qui... « Tu vas voir, » dit Jérémy. « Layla est épouvantable dès qu'il faut tenir sur autre chose que ses pieds. » La boule de neige qui lui répond marque le début d'une grande guerre. Lorsque les jumeaux finissent enterrés sur une couche de neige beaucoup trop épaisse, Jean oublie d'être mélancolique. Ah ah ! Donne Layla en agitant son doigt vers Andrew. Tu as laissé tomber le pain ! Ce mot, dans la bouche de Dermot, ressemble à une menace, ce qui est en soi un exploit. Tu as laissé tomber le pain! Ce mot, dans la bouche de Dermot, ressemble à une menace, ce qui en soi un exploit. Oui, répond Andrew, tout en envoyant un autre bout de pain à la tête de Kevin, qui se concentre pour ne pas mettre du fromage partout, malgré les fils qui persistent à se former. Donc tu as un gage! Elle a le bon goût de ne pas frémir au qui échappe brusquement de la bouche de Nikki. Layla, comme la plupart des gens qui fréquentent Andrew Mignard, semble n'avoir qu'une vague conscience de sa propre mortalité, parfois, et Jean enfonce la joue contre sa main, amusé par l'air franchement intéressé qu'arbore Neil à cet instant-là. Ils sont intéressants à regarder. Pas parce qu'ils sont beaux, même si j'en suppose que c'est le cas, mais parce qu'ils représentent une somme d'opposés qui finissent par entrer en collision et par fonctionner. Jean est un peu jaloux, peut-être, parce qu'il a une sorte de familiarité latente, lorsqu'Andrew fixe Neil, parce qu'il y a quelque chose d'infiniment féroce lorsque Kevin effleure la main d'Andrew de la sienne. Il est un peu jaloux, sans doute, parce que son corps réclame des mains contre sa peau, parce qu'il a besoin qu'on le touche lorsque parfois il n'est plus certain d'exister. Il roule des yeux lorsqu'Andrew soupire d'un air résigné, ravale un sourire lorsqu'il entend Neil répondre. « J'ai demandé », lorsqu'on lui demande comment il l'a convaincu de participer. Jean se doute bien qu'il n'a cédé que parce qu'il y a quelque chose à gagner. Et la vérité, c'est qu'il a raison. Comme le prouve Andrew quelques minutes plus tard, lorsqu'il fait voler d'un geste du coude le bout de pain que tentait de fourrer Neil dans sa bouche. Ce n'est pas fair-play, mais le fair-play ne semble jamais dépasser les frontières du terrain chez les Fox. Et, les yeux mi-clos, il les écoute se disputer sans plus bouger, repus et épuisés. « Tiens, un coup de soleil !» lance Jérémy tout d'un coup. Et Jean se rend compte qu'il est resté silencieux jusque-là. « Où ?» Il frémit lorsque le capitaine tend la main pour passer un index le long de l'arête de son nez. Le geste est délicat, un peu maladroit, et Jérémy a les joues rouges et le regard un peu flou de celui qui a trop bu. « Tu es infernal !» Tu es infernal, note-t-il d'un ton trop paisible pour que cela soit une reproche, amusé par le gloussement que laisse échapper l'autre. Va te coucher. Après, répond Jérémy, en laissant tomber sa joue contre l'épaule de Jean avec une familiarité qui fait des choses à son estomac. Laisse-moi profiter. Tu vas avoir la gueule de bois, prévient-il. Tu vas avoir la gueule de bois. Tu vas avoir la gueule de bois, prévient-il, hésitant, avant de masser du bout des doigts le crâne de l'homme. Il ignore le soupir de contentement qui vient caresser son cou, passe outre le frisson qui remonte doucement le long de sa colonne vertébrale. « M'en fous !» Il sent les regards qui pèsent sur lui, les ignore, parce que Kevin n'a rien à lui dire à ce sujet-là, parce que Neil est impossible et que rien de ce qu'il dira n'empêchera les autres de l'ennuyer. Il se demande une seconde si cela vaut le coup. Quand les bras de Jérémy s'enroulent autour de sa taille pour éviter de glisser, il sait que oui. « J'ai le nez bouché !» Jean Alvarez, enfoncé dans une pile de coussins. « Tu l'as bien cherché !» Elle renifle, mécontente, et lance un regard noir à Jean, qui lit, assis en tailleur dans le fauteuil à côté de son lit. « C'est pas de ma faute s'ils sont minuscules. Je pense pas que ce soit pour ça, vraiment, qu'ils ont fini sur un quintal de neige. Je pense pas que ce soit pour cela, vraiment, qu'ils ont fini sous un quintal de neige. C'était là et là. Oh. C'était là et là. C'était là et là. Oh. Lance Jean, l'air décontracté. Oh. Lance Jean, l'air décontracté, alors qu'il jette les jambes par-dessus un accoudoir. T'inquiète pas pour elle, ils se vengeront bien assez tôt. Elle est en colère, Alvarez, mais pas contre lui. Elle est frustrée d'être clouée au lit, frustrée de ne pas pouvoir accompagner Laila skier, frustrée de s'être faite avoir aussi facilement, frustrée de l'air narquois et beaucoup trop victorieux qu'arborait le visage des jumeaux Mignard. Même Neil avait semblé étonné de les voir collaborer, et même si Aaron avait l'air encore plus ennuyé que son jumeau, Jean pouvait jurer qu'il s'était amusé. La neige qui s'était abattue violemment sur Alvarez lorsqu'elle était entrée dans la douche, cependant, l'a laissée avec un rhume et son caractère de chien. Et c'est Jean qui joue les gardes malades cet après-midi-là. Si tu continues, je dirai à Elala que tu n'es pas coopérative. Si tu continues, je dirai à Elala que tu n'es pas coopérative, lâche-t-il d'un ton détaché lorsqu'elle lance un troisième grain de raisin. Elle sera déçue. Il entend le grognement frustré qui émane du lit et ne prend pas la peine de lui jeter un regard. Quelques minutes plus tard, le silence se fait. Et il esquisse un sourire en la voyant somnoler. Alvarez est une dure à cuire, et c'est peut-être ce qu'il aime le plus chez elle, tout en dents et en sourire et poings, les épaules carrées et l'air déterminé. Il n'aime pas la savoir malade. Ce n'est rien, bien sûr, et elle l'a bien cherché, évidemment, mais il y a quelque chose d'infiniment angoissant à la voir étendue dans son lit, le front moite et le regard fiévreux. « Jean, » fait-elle en se redressant sur les coudes, et il se rappelle subitement qu'il faut se méfier de l'eau qui dort. « Oui. Il va falloir que tu fasses quelque chose pour Jérémy. » Subitement, Jean la préfère malade et silencieuse, et le coussin qu'il lui expédie à la figure sert à convoyer le message. Lorsqu'elle rit, il se renfrogne, sait pertinemment que le sujet est mis de côté, mais pas abandonné. Le pire, c'est qu'il n'y a rien à dire. Le pire, c'est qu'il n'y a rien à faire. Parce que Jean ne comprend pas les relations humaines et que Jérémy s'approche, mais souvent. Et que Jérémy s'approche, mais jamais assez. Le pire, c'est qu'il ne sait pas bien où il en est. Le pire, c'est qu'il sait qu'éventuellement, il faudra agir tout de même, quitte à tout perdre. Le pire, c'est qu'il ne peut même pas s'empêcher d'espérer. Le temps passe vite. C'est étrange de le voir s'emballer. Tourner, tourner, tourner, avancer plus vite encore. Le temps passe vite. Il a une montre maintenant, un cadeau de Secret Santa de cette année, quelque chose que Kevin lui a tendu d'un air neutre. Les autres ont haussé les sourcils, n'ont rien dit, rien ajouté, mais il y avait des questions dans l'air, et aucune réponse n'était arrivée. Au nid, le temps ne passe pas. Des mois après en être sorti, j'en peine encore à en suivre le fil. Il a moins de mal, mais les stigmates sont encore là, quand le mardi et le mercredi se fondent, quand il n'est plus sûr de savoir quelle heure il est. Ce qu'il sait, ce jour-là, c'est que les vacances touchent à leur fin. Et c'est un pincement au ventre et au cœur, parce que même si la compagnie constante des autres commence à lui peser, la simple idée de rentrer au dortoir jusqu'à la rentrée et de s'y retrouver seul lui tord l'estomac. Il pourrait le dire, il pourrait l'admettre, rentrer avec René ou permettre aux trois gens de proposer de rester. Mais il ne dit rien, parce que ce n'est pas juste pour eux, et que c'est égoïste, parce qu'il sait que Laila et Alvarez ont hâte de retrouver leur famille et que Jérémy a passé les derniers jours à leur montrer des photos de ses petites sœurs. Ils se disent au revoir à l'aéroport, sans retenue finalement, parce qu'Alvarez lui boxe l'épaule et que Laila lui embrasse la joue avant d'entraîner sa petite amie vers l'enregistrement des bagages. Il reste silencieux une seconde, Jérémy à ses côtés, et Jean repense à son arrivée en Californie, lorsqu'il était seul au terminal et qu'il lui avait souri depuis l'autre côté de la foule. Il y a quelque chose d'étrange, finalement, dans le fait de se retrouver seul avec lui dans un aéroport à nouveau. Quelque chose d'étrange, définitivement, dans le fait d'avoir plus de bagages maintenant que lorsqu'il était arrivé. « À quelle heure est ton avion ?» demande-t-il finalement, quand il ne voit pas Jérémy faire mine de s'ajouter. « À quelle heure est ton avion ?» demande-t-il finalement, quand il ne voit pas Jérémy faire mine de s'agiter. « À la même que le tien. »« À la même que le tien. » Les yeux dans le vague, Jean cherche sur le panneau d'affichage un avion. À la même que le tien. Les yeux dans le vague, Jean cherche sur le panneau d'affichage un avion qui partirait aux bons horaires. Il se demande, une seconde, si Jérémy a une correspondance, avant de réaliser. Jérémy, appelle-t-il doucement, et l'autre lui adresse un regard, un peu curieux et sur ses gardes. Je croyais que c'était triste, le nouvel an fêtant à l'université. « Ok, on va reprendre. »« À la même que le tien. » Les yeux dans le vague, Jean cherche sur le panneau d'affichage un avion qui partirait aux bons horaires. Il se demande une seconde si Jérémy a une correspondance, avant de réaliser. « Jérémy, » m'appelle-t-il doucement, et l'autre lui adresse un regard, un peu curieux et sur ses gardes. « Je croyais que c'était triste, le nouvel an fêté à l'université. » Jérémy se souvient avoir eu cette conversation. Il se souvient avoir plaisanté, plus pour convaincre Jean de l'accompagner à New York chez ses parents que pour insister sur la solitude de l'endroit. La culpabilité lui pince le cœur une seconde, il secoue la tête. « J'avais envie de le passer avec toi. »« J'avais envie de le passer avec toi. » C'est vrai, mais Jean le fixe comme s'il venait d'ouvrir une boîte de Pandore. Sa langue s'engourdit dans sa bouche. « Je déteste le regard que tu fais quand tu te sens seul. »« Je déteste le regard que tu fais quand tu te sens seul. » Jean bat des cils, doucement, et le coin de ses lèvres tremble légèrement, comme s'il est incapable de décider s'il veut rire ou pleurer. « Merci, » répond-il simplement. Et le cœur de Jérémy manque d'imploser. « 10 !» piaule la dame dans la télé, et Jean se roule en boule, machinalement, sous le plaid que Jérémy a posé sur ses épaules. C'est cliché. C'est cliché parce qu'ils se sont faufilés sur le toit. Cliché parce qu'ils entendent la télé au loin. Cliché parce qu'il est épaule contre épaule avec Jérémy et qu'ils attendent le feu d'artifice. C'est cliché parce que Laila l'a soumis au visionnage d'un nombre incalculable de films romantiques, et qu'il sait. Cliché parce que Jérémy a les doigts qui tremblent nerveusement depuis quelques minutes. Cliché parce qu'ils ne sont que deux et que c'est le moment parfait. Parce qu'ils ont réussi à éviter magiquement le gui pendu au plafond de la maison qu'ils avaient loué pour les vacances. Cliché, cliché, cliché. Et Jean ne sait pas quoi en penser. Parce qu'il a bu un peu et que Jérémy est sobre. Parce que ça fait des mois qu'ils se tiennent à bout de bras et qu'ils attendent timidement de faire un pas en avant. Ils savent depuis un moment. Ils savent depuis un moment. Ils savent quand les doigts de Jérémy cherchent les siens. Ils savent quand Jean s'assoit beaucoup trop près de Jérémy dès qu'il en a l'occasion. Ils savent, depuis le baiser qu'a pressé Jérémy contre sa joue, depuis les tremblements et les battements de cœur, depuis que Jean est incapable de détacher ses yeux de lui, depuis que Jérémy ne parvient pas à se tenir suffisamment loin de lui. Ils savent, mais ils sont précautionneux, inquiets, délicats. Et les choses ne sont pas pressées, pas vraiment, parce qu'il y a la timidité, quelque part, sur le tas, et qu'aucun d'eux n'est certain de savoir gérer. « Jérémy ?» interpelle Jean, alors que la présentatrice hurle sept. Il détaille son visage lorsqu'il se tourne vers lui, la façon dont ses cils projettent des ombres le long de ses joues et le sourire qui s'inscrit sur son visage quand il le regarde. Il sait que l'autre s'apprête à lui répondre, ne lui en laisse pas vraiment le temps lorsqu'il glisse sa main hors de la couverture pour l'appuyer contre sa nuque, lorsqu'il l'attire vers lui, jusqu'à ce que leurs bouches se rencontrent. Il se sent maladroit, heureux, engourdi, effrayé. Il se sent en sécurité, intimidé, à sa place, enfin, quand Jérémy réagit finalement, se rapproche, les paupières closes et les rouges, un sourire nerveux sur ses lèvres, alors qu'il colle son front au sien. Tu as ruiné mon plan. Le ton est plus amusé qu'accusateur, et Jean masse sa nuque doucement pour se faire pardonner. Je suis pas assez patient, répond-il gentiment, parce qu'il ne veut pas lui dire à quel point tout était transparent, à quel point tout était cliché. Embrasse-moi encore, réclame-t-il. Et c'est un frisson qui secoue sa colonne vertébrale lorsque Jérémy obéit, lorsque ses mains trouvent ses hanches, lorsque son corps se presse contre le sien. Embrasse-moi encore. Et c'est si étrange à dire, si lointain, parce qu'il demande, parce qu'il ose, parce qu'il fait des choses qu'il n'aurait jamais imaginées quelques années auparavant. Quand ils finissent de s'embrasser, les feux d'artifice embrasent le ciel nocturne. Jérémy rit au creux de son cou. Les matins sont toujours les moments les plus angoissants. Souvent, Jean ne sait plus où il se réveille. Il aspire l'air, désespéré, cherche une trace, attend un coup ou un reproche. Souvent, Jean ne reconnaît pas la pièce ou les posters pendus au mur, pas la façon dont le soleil éclaire le plancher en bois sombre ou la douceur de la couverture, pas les vêtements colorés qui gisent au sol ou l'odeur de lessive qui imprègne le lieu. Souvent, la panique lui tord l'estomac et fait pulser le creux de son corps. Souvent, la sueur glisse le long de son front et il se retient d'hurler. Souvent, le sursaut qui le réveille ne l'abandonne plus de la matinée. Ce matin-là n'échappe pas à la règle. Il lutte un instant contre le réveil, refuse d'ouvrir les yeux, les doigts crispés sur sa couverture et la respiration qui grippe et s'agrippe, gronde comme un orage au creux de sa cage thoracique. Il sursaute lorsqu'un bruit de pas se fait entendre, laisse échapper un hoquet désespéré dans l'espoir de reprendre son souffle. « Jean ?» appelle une voix. Il a envie de mourir parce qu'il aurait préféré que personne ne le voie comme ça. Surtout pas Jérémy, surtout pas maintenant. Il sent l'odeur du dentifrice et celui du gel douche, sent la vapeur humide qui s'échappe de la salle de bain et la chaleur d'un corps lorsque le matelas s'enfonce. Suffisamment loin de lui pour qu'il ne se sente pas envahi, mais suffisamment près pour que son genou soit en contact avec son dos, suffisamment près pour qu'il puisse le toucher s'il tend la main. Jérémy ne pose pas de questions, et Jean ne sait pas s'il préfère cela ou s'il déteste cela, parce que tout tourbillonne et que rien n'a de sens. Que Jérémy le voit, pathétique et terrorisé et faible, et Jean se déteste pour cela. J'ai fait un rêve bizarre cette nuit, souffle le capitaine, l'air serein, et Jean entend ses pieds nus jouer avec le bord du tapis, le soulever pour mieux le faire retomber. Laila et Alvarez se gavaient de donuts, et après on les faisait rouler sur une colline, et elles s'envolaient. Il observe le visage de Jean du coin de l'œil, le laisse tranquille, parce qu'il évite obstinément son regard et qu'il ne veut pas le forcer. J'avais les cheveux roses. Il y a un silence, pas pesant, mais un silence tout de même, et il sursaute lorsque la main de Jean se glisse dans la sienne pour chercher son contact, s'amarrer dans la réalité. Jérémy cherche son regard une seconde, avant de se laisser glisser en arrière pour caler sa tête contre ses cuisses. « Si tu l'éteins en rose, » souffle Jean, et sa voix, trop rauque, trop basse, tord le cœur de Jérémy une seconde. Je pense que tu vas briser le cœur de tous ces reporters qui n'arrêtent pas de parler plus de tes cheveux que de tes compétences sportives. C'est vrai, pense Jérémy, en jouant avec les doigts de Jean doucement, incapable de le lâcher ou de détourner les yeux, alors qu'il semble se détendre petit à petit, muscle après muscle. C'est un combat quotidien, et Jérémy le sait, parce qu'il ne l'a jamais vu au réveil, mais qu'il le voit toute la journée, fier malgré tout, cassé mais pas brisé. « T'as les pieds froids, » pense-t-il, l'air de rien. Et Jean sourit, un mince sourire. « T'as les pieds froids, » lance-t-il, l'air de rien. Et Jean sourit, un mince sourire, mais un sourire tout de même. « C'est toi qui as passé la nuit à te coller contre moi, » répondit-il, enfin. C'est toi qui as passé la nuit à te coller contre moi, répond-il en refermant les yeux. Si mes pieds froids te rebutent, il va falloir arrêter. Si mes pieds froids te rebutent, il va falloir arrêter. Si mes pieds froids te rebutent, il va falloir arrêter. La tension qui emplissait la pièce quelques secondes auparavant semble s'échapper avec la tension qui crispait les épaules de Jean. Et Jérémy rit, les cheveux en vrac et les yeux brillants. Jamais. C'est une promesse. Ils le savent tous les deux. Le nez dans son oreiller, Jean rougit. Lila suce ses doigts comme si sa vie en dépendait. C'est toujours comme cela. Elle colle ses doigts au fond du paquet de chips et les ressort, orange et poisseux, comme si c'était la dernière chose qu'elle allait faire ce jour-là. Généralement, ça n'embête pas Jérémy plus que cela. Il trouve ça dégoûtant. Semble généralement content de ne pas aimer les chips qui ont la couleur d'une centrale nucléaire, mais n'est pas ennuyé outre mesure. En général, cela étant, Lila évite de coller ses doigts fluo sur ses draps propres. En général. La vérité, c'est que Jérémy est un gentil. C'est pas une qualité pour certains, c'est même une bêtise pour la plupart. Mais Jérémy est fondamentalement et outrancièrement bon, comme s'il devait racheter toute la connerie que les gens bavaient à lui seul. Les gens qui ne le connaissent pas décrivent cela comme une naïveté touchante. Et c'est une citation d'un article qui a fait pleurer de rire Alvarez. Les gens qui le connaissent, d'un autre côté, savent. La gentillesse de Jérémy n'est pas une naïveté. La gentillesse de Jérémy est une qualité soigneusement travaillée, quelque chose d'éduqué, quelque chose de sincère, parce qu'il n'est rien d'autre sinon sincère, mais quelque chose d'appris quand même. De tailler dans toute la négativité qu'il avait ressentie un jour, dans toutes les mauvaises expériences qu'il l'avait fait, lui, comme il était à présent. La gentillesse de Jérémy est doublée d'une compassion sans limite, quelque chose de puissant qu'il fait avancer, quelque chose qui le pousse à relever le menton et à aider les autres à se relever. La compassion de Jérémy, cependant, ne recouvre pas les traces oranges qui maculent ses draps. « Dermot, » gronde-t-il. Et la grimace qu'elle fait lui donne envie de rouler les yeux. Lila ressemble à une enfant parfois, parce qu'elle a des grands yeux qu'elle utilise avec une minutie exceptionnelle, parce qu'elle a l'air toujours étonnée de se faire engueuler, parce qu'elle est d'une malice qui lui fait rouler des yeux et qui lui donne envie de la serrer dans ses bras. « J'espère que t'as un truc magique contre ça. » Il pointe les taches d'un air accusateur. Et, subitement, elle sourit de toutes ses dents. « J'espère que tu dis la même chose à Jean. Tu sais, quand il... » J'espère que tu dis la même chose à Jean, tu sais, quand il... Lila Dermot n'est pas sûre d'avoir jamais vu Jérémy rougir autant. Elle n'est pas sûre non plus d'avoir jamais fui aussi vite. Mais, ça valait. Oh. Elle n'est pas sûre non plus d'avoir jamais fui aussi vite. Mais, ça valait carrément le coup. Le vent dans les cheveux et les jurons de Jérémy dans les oreilles, elle rit. Il y a du sang sur le sol de sa douche. Il y a du sang sur le sol de la douche. C'est un spectacle douloureux, et Jean ferme les yeux. Il frissonne lorsque la main humide de Jérémy se presse contre sa joue, ferme les yeux plus fort encore, pour oublier les éclats écarlates sur le carrelage et l'odeur de fer qui flotte dans l'air. Il y a quelque chose de violent dans la scène, quelque chose qui lui rappelle le nid, quelque chose qui le ramène plus d'un an en arrière, les blessures béantes de Neil et les hurlements qui n'arrêtent pas, la peur et la douleur et la docilité. La main de Jérémy se crispe dans ses cheveux. La peur et la douleur et la docilité. La main de Jérémy se crispe dans ses cheveux, doucement, pour attirer son attention. Tire gentiment sur les mèches folles pour le forcer à avancer, pour le pousser à le regarder. Il y a des habitudes comme cela qui se prennent et qui ne s'échappent pas. Ils se comprennent sans parler. Soupir et contact, la bouche de Jérémy qui se presse contre sa tempe. Lexi est un sport violent. Jean l'a toujours su. Jean l'a toujours aimé malgré tout. Jean connaît les risques lorsqu'il avance sur le terrain, connaît par cœur la liste des joueurs blessés lors d'un match. Cette longue litanie de membres brisés et de crânes fêlés. Il a déjà été blessé lui-même, plus de fois qu'il ne peut le compter, a appris à compter ses côtes et à repérer les fêlures, a joué malgré tout, en dépit d'eux. Ce n'est pas lui qui est blessé cette fois. C'est Jérémy. Ça change tout. Même s'il déteste cela, ça change tout. Parce que Jérémy ne devrait pas saigner. Parce que Jérémy ne devrait pas être blessé. Et que cela le rend fou. Que cela fait bouillir en lui des trésors de colère qu'il ne savait... Que cela fait bouillir en lui des trésors de colère qu'il ne se savait pas posséder. Une infinité de rage dans le ventre qui éclate et qui brûle et qui ravage tout. « Jérémy, chuchote-t-il en ouvrant les yeux, j'aurais pu les tuer. » Il y a derrière ses yeux les lambeaux du match, les backliners qui collaient Jérémy et la façon dont des coups avaient été échangés. Il y a les mots durs qui ont été prononcés et la lèvre ouverte et le nez qui saigne. Et Jean, les doigts crispés sur sa raquette, qui court et qui s'élance, qui se font dans la mêlée pour dégager le striker, pour les faire reculer. Il est furieux encore. Parce que Jérémy est blessé, moins par les poings que par les mots, par les vipères en face qui crachent et qui crachent et crachent et salissent quand ils peuvent, les doigts pleins de suie et la bouche pleine d'envie. « Je sais, » répond doucement Jérémy, qui n'a pas l'air horrifié. « Je sais, » répond doucement Jérémy, qui n'a pas l'air horrifié alors qu'il enroule ses bras autour de Jean, alors que leurs corps se rencontrent, s'agencent l'un contre le soude. S'agencent l'un contre l'autre sous le jet d'eau. Je vais bien. Je vais bien. Ça n'excuse pas. Je sais. Il y a la bouche de Jérémy contre la sienne. Fugacement, malgré la douleur que cela provoque, malgré le goût de fer et la fatigue qui s'enlace autour de leurs muscles. Je vais bien, répète-t-il une nouvelle fois. Et Jean se demande s'il ne cherche pas à s'en convaincre lui-même. Le nez dans ses cheveux, il se promet d'en faire une réalité. Le reste est sans importance. Elle parlait tout le temps de toi, tu sais, murmure Jean un jour, les yeux mi-clos. Il est allongé sur le ventre, nu. Il y a quelque chose de presque religieux dans la façon dont Jérémy le regarde, assis en tailleur sur le sol, près de lui, les doigts pressés contre son dos et la joue contre le matelas. « Qui ?» demande-t-il finalement, lorsque ses doigts se heurtent à un muscle particulièrement noué. Il sent Jérémy se tendre de douleur, une fraction de seconde à peine. Il se penche pour embrasser les trois qui marquent sa joue. Et il se penche pour embrasser le trois qui marque sa joue, se faire pardonner la douleur qu'il a infligée. « Kevin. » La voix de Jean est basse, un orage dans la gorge et quelque chose comme de la paix dans ses yeux alors qu'il tend la main pour chasser du bout des doigts une mèche qui rebique sur le front de Jérémy. Il n'avait que ton nom à la bouche pendant une période. Il y a une trace de malice dans son sourire, un éclat au creux de ses yeux. Une vraie groupie. C'est étrange, se dit Jérémy. Lorsqu'il se penche pour l'embrasser à nouveau, comme Jean a changé, comme lui-même a changé, parce que le sourire de Jean le retourne et l'émeut, parce qu'il y a ce sentiment qui gronde et qui tremble et qui renverse, qui hurle maison dès qu'ils sont proches l'un de l'autre, ce sentiment d'appartenance qui lui noue le ventre et fait briller ses yeux. Gentiment, il tire sur ses cheveux pour attirer son attention, le forcer à le regarder. « Je t'aime. » Il souffle, sans une once de regret ou de timidité, parce que les nœuds... « Je t'aime. » Il souffle, sans une once de regret ou de timidité, parce que les mots pendaient à sa bouche depuis trop longtemps, parce que le son que produit Jean au moment où il l'entend, ce hoquet de surprise et d'incrédulité et de joie, lui serre le cœur. Parce qu'il s'attend à tout, mais pas au bras qui l'agrippe, qui l'attire, qui l'entraîne sous les couvertures, visage enfoui contre une épaule, les mains pressées contre son torse. Le silence les berce. Jean ne dit pas « je t'aime » en retour. Et ce n'est pas grave, parce que Jérémy n'en a pas besoin. Parce qu'il sait, parce que c'est dans tous les gestes, dans tous les mots, dans tous les regards, que c'est dans la façon dont Jean fait rouler les syllabes de son prénom, et dans la façon dont il trace des motifs intriqués du bout des doigts sur sa peau, que c'est pour cela qu'il prend toujours du pop-corn salé au cinéma, pour cela qu'il attrape sa main sous la table à chaque fois. Pour cela qu'il attrape sa main sous la table à chaque fois. Jérémy sait, et c'est suffisant. Lorsqu'on presse un baiser contre son front, il ferme les yeux. Lorsqu'on presse un baiser contre son front, il ferme les yeux. Il ne se souvient pas avoir jamais été aussi heureux. Fin. Cette podfic a été enregistrée le 13 décembre 2021. J'espère que tu l'as apprécié. Et puis, bah, si oui, n'hésite pas à laisser un commentaire ou un kudo, que ce soit à l'auteur, Dianaël, ou à moi. Tu peux retrouver cette podfic et tous les liens nécessaires à laisser du feedback, que ce soit, sur mon profil, sur AO3, à Anapod. Alors, j'ai quelques notes, enfin quelques remarques à propos de cette podfic, qui sont surtout que j'ai pas encore l'habitude d'enregistrer en français. En fait, le problème, c'est que je le fais pas assez. Et aussi que, même en anglais, j'ai vraiment l'habitude d'enregistrer des trucs qui sonnent comme... qui se lisent comme on parle, en fait. Qui sont très... écrites d'une façon qui est très orale, qui est très... un peu désinvolte, mais surtout très... ouais, très proche de la langue parlée, en fait. Et là, c'était pas exactement ça, parce que, en fait, le français, il y a très souvent, il y a quand même une beaucoup plus grande différence entre la langue. Parce qu'on sait pas, en fait, c'est pas vraiment qu'il y a une plus grande différence. C'est qu'on tend à utiliser en littérature, et je compte les figues dans la littérature, un style qui est plus littéraire, ouais, effectivement. Et j'ai pas l'habitude, comment dire. Et du coup, au début, j'arrêtais pas de trébucher sur les mots. J'ai très vite compris qu'il y avait un certain rythme au niveau des virgules, que les... par exemple, le « en vérité » ou je ne sais quoi, ces petits trucs-là, où il y a une virgule avant et après, ils sont rattachés au truc d'avant. Et que quand tu as une énumération avec un « et », il faut mettre comme s'il y avait une virgule avant parce que, sémantiquement parlant, ça va être probablement quelque chose d'autre. Surtout s'il y a une virgule après le « et tout d'un coup ». Le « tout d'un coup », en fait, les virgules, elles sont moins importantes que ce qui vient avant, enfin la pause qui vient avant le « et ». Mais c'est des petits trucs qui viennent assez rapidement, ça, puisque bon, il y a quand même un sacré paquet de mots dans cette fic, presque 10 000, même si ça m'a pris bien moins longtemps que... Je pense qu'en français, peut-être le quotient de mots par minute est différent, parce que ça m'a pas pris si longtemps que ça à enregistrer. Mais voilà, il y a plein de petits trucs que j'ai vite pris le pli. Mais par contre, au niveau de la prononciation et au niveau de l'emphase, J'ai vraiment vu comment ça évoluait du début jusqu'à la fin de la podfic. Et à la fin, ça me venait bien plus naturellement, mais c'est vraiment une question d'entraînement, en fait. Et le problème, c'est que j'en ai pas beaucoup de l'entraînement. J'ai pas forcément beaucoup de choses à enregistrer en français. Et bah voilà, quoi. Mais celle-là, j'ai vraiment aimé la façon dont... Je me suis rendu compte assez vite que justement, je pouvais mettre pas mal d'emphase sur la première partie des phrases. Et du coup, ou alors, en vérité, enfin vraiment, il y a genre ce qui conditionne en fait le reste de la phrase d'une façon qu'il est beaucoup plus facile de mettre de l'intonation sur cette partie-là que sur le reste. Et c'est un des problèmes en fait que même si je prononce bien, même si ma bouche arrive à faire les bons sons, ce qui n'est pas toujours le cas, c'est parfois assez difficile de ne pas faire un truc qui est tout plat en fait. C'est un style de lecture en même temps, un truc assez plat, mais c'est pas vraiment ce que je voulais là, et je suis contente d'avoir réussi à faire autre chose. Après, bien sûr, va falloir que je réécoute ça et que je me dise, ah ouais, j'ai réussi, j'ai pas réussi, qu'est-ce que je peux faire de mieux, mais bon, bah, comme toujours, quoi. Parfois, je me suis dit que j'ai un peu parlé un peu vite, parfois, justement, je prenais moins le temps, et c'est aussi parce que, tout simplement, dans la vraie vie, je parle vite, c'est une habitude. Et donc du coup c'est presque plus naturel en fait pour moi de parler vite que lentement. Vers la fin je prenais plus le temps, par exemple j'ai dit plus les cela au lieu de cela ou ça, et ça c'est vraiment le truc d'apprécier chaque syllabe et chaque son et chaque mot, qui est difficile au début puisque justement c'est en mode mais genre je sais pas comment les mettre ensemble en fait bout à bout. Donc voilà, je suis quand même très contente de moi-même, parce qu'à la fin j'étais quand même assez contente de comment ça sonnait. Et aussi, j'ai remarqué qu'au niveau des dialogues, ça allait plutôt bien. Il y en a pas mal que j'ai dû re-enregistrer, mais c'est quelque chose que je me suis rendu compte aussi. Alors j'ai l'habitude justement des dialogues qui sont vraiment écrits comme on parle et du coup qui sont faciles à enregistrer, mais quand on regarde un script de film, les dialogues sont tout sauf réaliste en fait. Enfin, c'est vraiment pas comme ça que les gens parlent. Et pourtant, les acteurs arrivent à faire que ça sonne assez naturel. Et je me dis, en fait, c'est juste que j'ai l'habitude d'avoir vraiment le truc qui est pas forcément pré-mâché, mais genre, c'est facile, quoi. Il y a les virgules là où il faut, il y a des petits mots, il y a des « et », des « e », des « on ». Enfin, pas forcément les onomatopées, mais genre les... Il y a des... en anglais, il y aurait des « like » un peu partout, par exemple, qui est vraiment un signe de l'oral. Et en français, c'est au niveau de la structure en fait, de la phrase que ça a une structure assez spécifique avec des « c'est ça que », des formules comme ça qu'on utilise beaucoup moins à l'écrit, en fait. Et là, c'est marrant parce qu'il y avait de ça dans les phrases, effectivement avec les « en vérité » et tout ça, même si c'est quand même, bon, ça reste un peu littéraire quand même. Par exemple, « Jean finit-il par entendre ?» Et il y a un visage sous la pancarte. Et le truc de la « il y a un visage sous la pancarte », presque de l'humour qui est facilement trouvable là, qui passe vraiment par l'intonation et la façon dont c'est dit et dans la façon dont on l'entend dans la tête et pas par les mots, ce qui est quand même assez fort. Et par ici, lance la voix, comme si elle avait pu manquer son nom écrit en si gros. Comme si... c'est la juxtaposition comme ça, là. Pour moi, ça me donne plus l'impression, effectivement, de quelque chose qui peut s'entendre facilement qu'une longue phrase un peu littéraire, quoi. Et puis même, c'est Alvarez qui crache le morceau quelques jours après son arrivée. Même si après, bon, bah c'est quand même... Les négations sont écrites avec la particule « ne ». Il y a du « vous », parfois... Enfin, pas non, du « vous », du « nous ». Notamment René utilise « nous » une fois dans une de ses lignes et j'étais en mode « bon, on va faire passer ça, je sais... J'ai pas l'habitude, c'est pas grave ». On est là pour apprendre. Mais ouais, c'était quand même un texte qui, au final, j'avais un peu peur au début, mais ça montrait relativement bien de ce côté-là, vraiment un peu facile en fait pour moi. Niveau de difficulté, pas trop haut. Et les répliques, ouais, bah, il y en a où j'étais pas trop sûre, mais en décortiquant en fait, qu'est-ce qu'ils veulent dire et quel groupe, enfin, en essayant de mettre les pauses, enfin, vraiment, je me suis dit, bon, bah, si c'était un acteur qui essayait de dire ça, comment il le dirait? Et je pense que c'est mieux que de se dire, si je devais dire ces mots, parce que non, en fait, je les dirais pas comme ça, je parle pas comme ça. Il faut plutôt que je me dise comment est-ce que dans un... Que pas traiter ça comme le français hyper spécifique que moi, je connais, parce que bon, bah, c'est quand même... outre le fait de régionalisme, idiolecte, enfin, tout ce que tu veux... C'est vraiment super spécifique, mais vraiment dans le langage français qui est utilisé dans cet univers, dans l'histoire, comment est-ce que ça sonnerait? Et comment est-ce que je peux le faire sonner? Quel est le potentiel derrière? Et par exemple, il y avait une réplique de Kevin au téléphone qui disait « Donne-lui de l'espace, mais ne le brusque pas », etc. Où j'étais pas vraiment sûre, parce que je me disais « Mais genre, c'est... Enfin, c'est contradictoire. Genre, comment tu veux juxtaposer les deux dans une phrase, l'un après l'autre? Genre, qu'est-ce qui lui est passé dans la tête pour dire les choses dans cet ordre-là? Et ce que je me suis dit, potentiellement, c'est il va dire « fais ça ». Mais attention, fais pas ça non plus. Hein. Donc, tu fais ça et tu fais ça. Et avec une répétition, du coup, pour emphaser et puis pour redire, en fait. Donc, du coup... À nouveau, la juxtaposition des deux. Je suis pas non plus allée chercher trop loin. Hein. J'ai essayé une fois, j'ai pas réussi. Hop, et on repart. Et bon, c'est bon, on y va. J'ai pas passé 10 minutes à essayer d'avoir la ligne parfaite parce que j'y arriverai pas. Mais ouais, justement, faire le petit truc, la réflexion de justement, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Pas juste au niveau des mots, mais au niveau de la phrase, du dialogue, etc. Enfin bref, tout ça pas très intéressant pour dire que bah j'ai super apprécié. Je le réécouterai bah, quand j'aurai le temps d'éditer, donc ça va durer pas mal de temps. Et ouais, mais je suis contente. C'est vrai que bon alors il y a quand même un truc, c'est que dans ce fandom, oui, je peux potentiellement trouver des trucs en français plus que dans mon fandom en ce moment. Jean est de Marseille, comment dire que moi non. Après, en même temps, selon la backstory qui est utilisée, c'est compliqué parce que justement, il y a le fait qu'il a, il est arrivé aux États-Unis très jeune, et donc on peut se dire, il a, sa connaissance et sa relation à la langue française va forcément être plus complexe que juste quelqu'un qui a grandi ici et puis c'est tout, quoi. Mais alors ça, de toute façon, la plupart des auteurs ne vont pas forcément chercher dedans. Et dans tous les cas, je vais pas commencer à m'essayer à faire un accent marseillais parce que comment dire que non, je ne suis pas capable. Mais ouais, même dans un fandom où « Hé, attends il y a quelqu'un que je peux faire ses répliques en français si jamais... oui, bah non, c'est pas le bon accent. Bon, c'est vraiment pas grave. De toute façon, à la fois, les accents, on s'en fout. Et c'est quelque chose que j'ai bien intégré en anglais, mais je crois qu'il va falloir que je repasse un coup pour bien l'intégrer en français aussi, que bah, il n'y a pas de problème, c'est mon accent. Et puis, c'est, voilà, quoi. J'aurais beaucoup plus de mal à y travailler que mon accent anglais, de toute façon. Donc, voilà, nique. Mais bon... Où est-ce que je voulais en venir? Je ne sais plus trop. Je crois que je vais m'arrêter là. De toute façon, il faut que j'y aille. Merde. Ouais, je suis un peu... Bon. Ouais, bon. Alors, du coup, on verra quand est-ce que j'aurai le temps de déjà demander la permission à l'auteur si je peux poster cette podfic et puis l'éditer et tout ça. Avec un peu de chance, avant l'été prochain. Cela dit, je ne sais même pas si j'aurai des vacances cet été, donc bon, bref. Merci beaucoup de m'avoir écouté, surtout si t'es encore là maintenant, là, bon, voilà. À la prochaine. Porte-toi bien, je t'aime.